Marceline Desbordes Valmore. L'oreiller d'une petite fille. Aux petits des oiseaux, il donne la pâture, et sa bonté s'étend sur toute la nature. Athalie. Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies, et blanc, et fait pour moi. Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, cher petit oreiller, que je dors bien sur toi. Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère, sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir. Ils ont toujours sommeil, ô destinée amère. Maman, douce maman, cela me fait gémir. Et quand j'ai prié Dieu pour tous ces petits anges qui n'ont pas d'oreiller, moi, j'embrasse le mien. Seul, dans mon doux nid qu'à tes pieds tu m'arranges, je te bénis, ma mère, et je touche le tien. Je ne m'éveillerai qu'à la lueur première de l'aube. Au rideau bleu, c'est si gai de la voir. Je vais dire tout bas ma plus tendre prière. Donne encore un baiser, douce maman. Bonsoir. Prière. Dieu des enfants, le cœur d'une petite fille, plein de prières, écoute, est ici sous mes mains. On me parle toujours d'orphelin sans famille. Dans l'avenir, mon Dieu ne fait plus d'orphelin. Laisse descendre au soir un ange qui pardonne pour répondre à des voix que l'on entend gémir. Mais, sous l'enfant perdu que la mère abandonne, un petit oreiller qui le fera dormir. Les pleurs, 1833.